La légende de l'opéra. Прослушайте текст и объясните, почему ноты оказались разбросаны по полу. Как, согласно легенде, появилась опера? Veux-tu connaître la légende qui court dans toutes les salles de spectacle? Eh bien, je vais te la conter. Dans les coulisses toutes poussiéreuses d'une salle de concert, sur un vieux pupitre, se morfondaient des partitions musicales. Toutes les notes étaient mélancoliques de ne plus être jouées, et cela les ennuyait beaucoup d'être tristes, car, à l'origine, elles étaient des notes de musique très vives et très gaies. Plus loin, sur une étagère tout aussi vieille et poussiéreuse, se languissaient des livrets d'opéra délaissés depuis fort longtemps, qui étaient très nostalgiques du temps où l'on disait leurs mots joyeux et légers qui chantaient. La chance devait être avec eux, car ce jour-là, pour aérer, on ouvrit toutes les fenêtres du théâtre et un grand courant d'air parcourut les coulisses, entraînant dans une danse folle toutes les partitions de musique et tous les livrets d'opéra. Après avoir voltigé, tournoyé, plané, ils retombèrent, tout ébouriffés, les pages toutes retournées au pied d'une contrebasse. Le virtuose, venu chercher son instrument, fut tout étonné de trouver ses vieux papiers éparpillés là. Intrigué, il les ramassa et se mit à jouer les notes, tout en chantant les mots qui, par la magie du vent qui les avait entremêlés, s'unirent à merveille en un magnifique spectacle. Voici donc, compte-t-on dans les coulisses, comment sont nés les opéras par la composition harmonieuse des notes et des mots.